Marie, il n'est plus temps. Marie, mais sauve les enfants. Ma tête tourne et je suis prisonnier de cette poutre tombée du grenier. Et puis l'eau monte inexorablement. Tu sais, l'eau monte inexorablement. Et la maison Marie, écoute-moi. Marie, même si tu n'y vois pas, essaie quand même de trouver un chemin jusqu'à la fête du plus proche voisin. Parce que l'eau monte inexorablement. Tu sais, l'eau monte inexorablement. Marie, Marie, je t'aime. Marie, Marie, je t'aime. Marie, dépêche-toi. Il commence à faire froid. Que Dieu te garde s'il lui reste du temps. Que Dieu te garde, toi et puis les enfants. Parce que l'on monte inexorablement. Tu sais, l'on monte inexorablement. Et la maison n'en a plus pour longtemps. Plus pour longtemps. C'est vrai, l'on monte inexorablement. Tu sais, l'on monte inexorablement. Et ton mari n'en a plus pour longtemps. Plus pour longtemps. Marie,